Je me voyais plus dans les miroirs depuis longtemps, car la beauté du désespoir, ça va un temps. Vagabonde, c'est monotone, et on s'enlace de nettoyer à l'acétone les plus belles traces. Je me voyais plus traîner des sacs pendant des mois, car les hanches tout seul ça détraque ce qui reste de soi. Sous la faïence y'a les blessures, celles qui nous rongent, qui nous lancent des SOS pour qu'on y songe. À qui je pense quand le rideau se baisse, pour que j'espère encore, pour que j'attende. À qui je parle, une pieuvre au fond du ventre, de la nature des sens, pour qu'il m'entende. Voyais plus ou moins monter là sur les planches, entraînant tous mes souvenirs dans la cadence. Au Massophie, j'ai eu la chance de voir dans le ciel une étoile pour que j'avance loin sous son aile. À qui je pense quand le rideau se baisse, pour que j'espère encore, pour que j'attende. À qui je parle, une pieuvre au fond du ventre, de la nature des sens, pour qu'il m'entende. À qui je pense, quand le rideau se baisse, pour que j'espère encore, pour que j'attende. À qui je parle, une pieuvre au fond du ventre, de la nature des sens, pour qu'il m'entende. À qui je pense, quand le rideau se baisse, pour que j'espère encore.